Merci à toutes les prières dans le monde, celles qui font preuve de courage et détermination devant toute forme d'adversité. Dans la mégalopole, furent mille troupeaux conditionnés pour la productivité. Cependant, une personne avance à contre-sens. Elle arpente les ruelles d'un pays que l'on nomme la France. Elle s'arrête devant l'aide dans le besoin, apporte sa contribution pour améliorer le quotidien. Contrainte croisée aussi de chemin d'abrutis, elle exhibe la fausse silence qui les fait fuir, tels les mauvais esprits devant le crucifix. Laissez-moi vous présenter Priyam, et ça peut vous faire ricaner. Vous pouvez surnommer Pocahontas ou Madame Apu, mais pour désigner ses origines, ne dites pas c'est une hindoue. Elle est indienne avant tout, partagée entre deux cultures qu'elle adore faire confronter. D'un côté, une nation qui attend qu'elle se pose pour stigmatiser les siens. De l'autre, une patrie qui s'attache à des rites trop anciens. Quand les points de vue s'échangent avec les confrères, certains remercient les colons d'avoir pillé leur terre, sans quoi ils pourraient jouir des biens que l'Occident qu'on fait, et son frère Deva dans tout ça est devenu une précaïra. Est-ce la seule façon que ce pays laisse aux étrangers pour s'intégrer? Plein de compassion à son égard, et ce qu'elle voit dans son regard, c'est qu'il voulait être quelqu'un, montrer à terre entière ce qu'il sait faire. Enfermé dans des stéréotypes, puis peut-être qu'on dise il est bien ce type, mais il croit un doux pour les Babtou, et trop français pour les Bundé. Il voulait être quelqu'un, montrer à terre entière ce qu'il sait faire. Enfermé dans des stéréotypes, puis peut-être qu'on dise il est bien ce type, mais il croit un doux pour les Babtou, et trop français pour les Bundé. Dans les études, elle a toujours excellé, à condition d'évoluer de manière équilibrée. C'est un domaine dont la réussite a la portée. Elle fait la fierté de ses parents, mais reste consciente que pour autrui, ça peut se dérouler autrement. A commencer par son cousin sans papier, que l'État refuse de voir exister. Droit au travail prohibé, on t'interdit de manger. Alors en toute légitimité, le marché noir s'est vu imposer. Pas uniquement fait de caca et de praliné, c'est loin d'être une situation qui se vide dans l'euphorie. Observe ses yeux que l'angoisse a rougi. Même si Charter qui est en permanence, il a toujours ce vieux rêve enfoui en lui. Devenir quelqu'un, montrer à terre entière ce qu'il sait faire. Enfermé dans des stéréotypes, il voulait qu'on dise il est bien ce type, mais il est trop hindou pour les Babtou et trop français pour les Bundé. Il voulait devenir quelqu'un, montrer à terre entière ce qu'il sait faire. Enfermé dans des stéréotypes, il voulait qu'on dise il est bien ce type, mais il est trop hindou pour les Babtou et trop français pour les Bundé. Chez elle après une journée qui lui a pompé toute son énergie, la goutte d'eau qui fait tout déborder, la voici. À pas, dis-lui Priya, on corre dans le varan vendre crade, dans la belle, dans le sambaran, dans le peu de manushin. Si comme renale n'a la part de mar et sol et porum. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est le mariage arrangé dont il s'agit. Pour elle, c'est une concession proche de la prostitution. L'amour préprogrammé, c'est pour ceux qui ont un disque dur à la place du cœur. Alors faut-il faire plaisir à la famille ou s'épanouir avec ses choix de vie? La réflexion ne fut de courte durée, elle a décidé de les quitter, construire de ses propres mains son indépendance. Pour une fois, elle a pensé un peu à elle, et où qu'elle soit, chaque jour son père pria pour le bonheur de Priya. Son mariage mixte, certains indiens ne l'ont pas digéré, mais le temps a prouvé à ses parents la véracité de ses engagements. La preuve en est, un merveilleux enfant métissé. Il détient une différence qui l'oblige à lutter contre l'intolérance, à se faire une place là on veut pas qu'il soit. Et Priya, ils disent qu'elle donne naissance à un hybride. Vous le faites flipper avec vos yeux exorbités. Vous approchez pas de lui, ce môme c'est sa vie. Un don, une bénédiction. Pour l'avenir elle reste persuadée que les pensées de son gamin seront hantées par le fait de devenir quelqu'un, montrer à terre entière ce qu'il sait faire. Enfermé dans des stéréotypes, il voudra qu'on dise il est bien ce type, mais il sera trop hindou pour les Babtou, il sera trop français pour les Bundé. Il voudra devenir quelqu'un, montrer à terre entière ce qu'il sait faire. Enfermé dans des stéréotypes, il voudra qu'on dise il est bien ce type, mais il sera trop hindou pour les Babtou, il sera trop français pour les Bundé.